Gardez sur le vif. Écoutez. Cet après-midi, j'ai envie de jouer au tennis. À quelle heure seras-tu libre? Aujourd'hui, je ne pourrai pas. J'ai des cours au lycée jusqu'à 5 heures. À 5 heures, ça me va très bien. Si tu veux, je réserverai un cours. Mais non, je n'aurai absolument pas le temps. De 5h30 à 7h, j'aurai une leçon particulière. Et ce soir, je retournerai au lycée pour une réunion de parents d'élèves. Répétez. Cet après-midi, j'ai envie de jouer au tennis. À quelle heure seras-tu libre? Aujourd'hui, je ne pourrai pas. J'ai des cours au lycée jusqu'à 5 heures. À 5 heures, ça me va très bien. Si tu veux, je réserverai un cours. Mais non, je n'aurai absolument pas le temps. De 5h30 à 7h, j'aurai une leçon particulière. Et ce soir, je retournerai au lycée pour une réunion de parents d'élèves. Écoutez. J'ai envie de faire une balade à vélo. Viens-tu avec moi? Oui, mais en fin d'après-midi. Quand tu rentreras du lycée? Oui, je pourrais être là pour 4 heures. Mais ce soir, j'aurai mon travail à finir. Tu sais, en 2 heures, on pourra faire une belle balade. Et nous nous arrangerons pour être de retour vers 6 heures. Répétez. J'ai envie de faire une balade à vélo. Viens-tu avec moi? Oui, mais en fin d'après-midi. Quand tu rentreras du lycée? Oui, je pourrais être là pour 4 heures, mais ce soir, j'aurai mon travail à finir. Tu sais, en 2 heures, on pourra faire une belle balade. Et nous nous arrangerons pour être de retour vers 6 heures.